Mais quand un gars a lu de psychic, un gars a lu des livres, les gens lisent dans la société. Nous autres, on lit de moins en moins, mais eux autres lisent de plus en plus.